Satan ou Yamafuta, la chose de Dieu dans ta vie, ça fait la différence. Libota mobimba ba bomba kate, batonyo so situation se moko. Ngana bituni li corona li kambo oyo lelo na zue ya non kola pesinga lobi ezali singa. Okomo na libota mobimba, basi kitoko babala kate babota kakaka nandako oyo ya baboti. Kaka na maladi moko e singa. Okomo na famille mobimba, bato mayele basilisaka kelasi te, ba mosusu ata pe basilisi kelasi, misala eza te. Bakoma na bango ba champion kaka ya kobeta badame bakar, me bato mayele yoka lopoto na monoko. Na bituni likambo nini, bamosusu bakomaka kaka masolo ya ba musicien, ya ba homme politique, bayebi banzela ya poto atanga ne bakoma te. Nkolo na nzela ya mabonde litoleli, alobi ye ya nolele ezali likambo ya singa. Même si j'ai commencé à mille, je me retrouverai à zéro. Seigneur Jésus, il vient me délivrer des liens de ma famille. J'avais quitté mon pays pour aller en Europe. Alors que la malédiction n'a pas besoin d'un visa pour atteindre une personne. Ah, tu as envoyé les apôtres pour délivrer l'anneau qui était attaché au village. Aujourd'hui c'est mon tour. Yaka kokango langa, ngolo Yesu, mate langa. Como na